Vous prêtez votre ordinateur à votre fils? Oui, je le lui prête. Vous laissez vos clés à la femme de ménage? Oui, je les lui laisse. Le concierge vous apporte le courrier? Oui, il me l'apporte. Vous donnez du poisson frais à votre chat? Oui, je lui en donne. Vous vous lavez les dents chaque jour? Oui, je me les lave chaque jour. Vous posez des questions au professeur? Oui, je lui en pose. Vous prêtez de l'argent à vos amis? Oui, je leur en prête. Vous vous servez beaucoup de votre portable? Oui, je m'en sers beaucoup. On vous livre les courses à domicile? Oui, on me les livre à domicile.